wa bi nak xam nga ñaari serre la won quoi la tête ak ndiogu way dimanche après midi jot dekk bi tang jeur xam sama gaay joge bay geejju way yoy boy xam ñew jël sen raps affaire yoy ñew geejju yof quoi ñew planer yoro sen soccu affaire yoy sen chain tu vois ce que je veux dire way ñew baye ko ginaaw xam nga horizon bu tek len kanam affaire yoy tok bu seg rek la tête ni jogu way ñew nga yakane ki jeb bu nekkon sos ndiogu na la tête ah kon dem boulanger lak ba de rek way